La corporation minière Osisko qui annonçait que le gouvernement du Québec a adopté un décret qui l'autorise à acquérir par voie d'expropriation le tout dernier terrain nécessaire à l'aménagement et à l'exploitation de son projet minier de Malartic. La corporation minière n'est pas parvenue donc à une entente avec la famille de Ken Massé. Elle s'était auparavant entendue avec les 204 autres résidents de l'endroit pour en discuter. Je joins Nicole Kirouac. Elle est avocate de profession et membre du comité de vigilance de Malartic. Bonjour, Madame Kirouac. Bonjour. Qu'est-ce que ce décret qui est autorisé par Québec signifie? Alors, ça signifie qu'à partir de ce moment-ci, la compagnie Osisko a la possibilité d'entreprendre les procédures judiciaires pour effectivement expatrier M. Massé et sa famille de leur immeuble pour pouvoir procéder à son projet minier. Est-ce que la famille du résident Ken Massé avait quelque chance devant la corporation minière Osisko? Quelque chose dans le sens d'obtenir gain de cause. Oui. Bon, alors vous savez, dans le processus d'expropriation, il y a des étapes. Donc, à partir du moment où la compagnie aura signifié, M. Massé a la possibilité avec ses avocats de contester cette procédure-là qui est entendue de façon urgente devant la Cour supérieure s'il conteste le droit à l'expropriation. Et de faire valoir ses arguments devant le tribunal. Et ça peut procéder assez rapidement. Il y a des délais très serrés à suivre et si jamais ils ne sont pas suivis, ben à ce moment-là, la compagnie pourra procéder donc à l'expropriation. Et est-ce que la corporation minière, de son côté, avait d'autres options sinon que l'expropriation? Il y a notamment Pierre Corbeil. La seule option qu'il y avait, c'est entendu, c'est une négociation avec les représentants, avec M. Massé lui-même ou avec ses représentants pour une entente négociée. Soit dit en passant, tant et aussi longtemps qu'un jugement n'est pas rendu dans une cause comme celle-là, il y a toujours possibilité pour les parties de s'entendre. On peut tout le temps, en cours de processus, dire, bon, bien, on s'assoit puis on négocie. OK, donc la porte n'est pas fermée. Quant au montant qui sera versé par Osisko, ça reste à être déterminé. Ça reste à être déterminé. S'il n'y a pas d'entente, ça reste à être déterminé par le tribunal. Et là-dessus, bon, ben, il y a quand même une indication dans la loi d'expropriation. De dire que l'expropriant, la compagnie, elle a le fardeau de la preuve quant à la valeur, à démontrer la valeur de l'immeuble et du droit immobilier à exproprier. Et l'exproprié, mais M. Massé, a le fardeau de la preuve en ce qui concerne toutes les autres parties d'indemnité qu'il pourrait réclamer au tribunal. Alors ça reste à lui à ce moment-là à faire cette preuve-là, des dommages par rapport à sa famille, par rapport à tout ce qu'il a pu vivre, ce qu'il vit, les conséquences de ce déplacement-là. Qu'est-ce que le geste de M. Massé va avoir signifié en bout de ligne? Ça dépend de chacune des parties impliquées, évidemment. Pour M. Massé, ça peut être une question de principe, à savoir que de faire comprendre ou de faire avancer un débat. Je ne sais pas exactement quelles sont les motivations, mais celles qu'il donne, en tout cas sur la place publique qu'on entend, c'est à savoir que c'est une compagnie minière qui déloge des individus pour faire un projet strictement, donc pour l'enrichissement d'une compagnie et d'actionnaires. Alors, dépendamment de chaque partie, on peut en entendre, si vous voulez, une explication. La communauté là-bas, les quelques 200 autres résidents là, qui, eux, ont accepté l'offre, par exemple, ils réagissent comment à cette annonce-là d'expropriation? Ben vous avouez que plus le temps avance, les gens sont plus partagés. Il y a quelque temps, c'était comme assez en bloc en disant bon ben bon je pense qu'on n'avait pas le choix puis etc. Puis il questionnait le fait que M. Massé maintienne son désir d'aller en expropriation pour faire un débat réel sur cette cause-là. Et maintenant, j'entends un groupe dire on aurait dû faire front commun plusieurs pour se battre. Ça aurait peut-être valu la peine. On réalise maintenant des choses qu'on n'avait pas réalisées il y a plusieurs mois. Et Mme Kirouac, c'est un cas qui risque de faire jurisprudence? S'il se rend au jugement, en jugement, certainement. Certainement, et ça va avoir beaucoup d'importance. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes et de groupes qui vont suivre ce débat judiciaire-là et le jugement, si on se rend au jugement, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Madame Nicole Kirouac, je rappelle que vous êtes avocate de profession et membre également du comité de vigilance de Malartic. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée.